to get on the line. Ever lets you to set free our world where we are denied. Where we still scare the one now setting over line. J'ai pas trop le temps, on va le faire vite fait. T'es prêt pour le solo qui tue ? Ouais. Cause the sky is full of stars. I'm going to give you my heart. Cause the sky is full of stars. Cause you light up the night. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. Cause the sky full of stars, I think I saw you. Cause the sky full of stars, I want to die in your arms. Cause you get lighter the morning get dark. I'm going to give you my heart. And I don't care, go on, tears me apart. I don't care if you do. Cause the sky full of stars, I'm going to give you my heart. Cause the sky full of stars, cause you like everybody. Mesdames et messieurs, je vais vous faire écouter ce morceau. Alors je vous présente Mr. Z à la guitare. Il s'appelle Mr. Z. À toi, Mr. Z. Le solo qui tue. C'est bien, Mr. Z. cause the sky full of stars, I'm going to give you my heart. Cause your sky full of stars, and cause you light up the fire. I don't care. I say I don't care. Cause your sky full of stars. Mesdames et messieurs, un nouveau guitariste. Tout droit de l'Allemagne, il s'appelle Muck. À toi, Muck. Okay. Cause your sky full of stars. I'm going to give you my heart. Cause your sky full of stars. I don't care. Go on, tease me apart. I don't care if you. Cause in a sky full of stars, I think I saw you, parce que tu es le ciel plein d'étoiles, je vais te donner. Mon cœur, parce que tu es un ciel plein d'étoiles, parce que tu éclaires le chemin. Je me fiche de tout, continue, démolis-moi. Peu importe, tant que c'est toi. Parce que tu es le ciel. Je voudrais remercier Mr. Z à la guitare et Muck à la guitare. Merci à vous. Bonne soirée, bye bye. Je vous laisse finir en solo. Thank you. Thank you so much, Mr. Muck, et merci à toi, Monsieur Z. Monsieur Z qui touche la guitare, au synthé, tu sais toujours, parce que j'aime bien les multi-instrumentistes. Bye bye. Milos, je ne suis pas un bannisseur. Je t'embrasse. Thank you.